On va parler de hockey mineur avec le président de la Ligue JMS, notre ami Danny Larouche. On sait qu'il y a eu le projet de déconfinement. On a parlé cette semaine avec Pascal Bouchard de Hockey Saint-Jean. On va parler avec Danny Larouche maintenant. Salut Danny! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Il y a eu le projet de déconfinement. On a annoncé tout ça du 3 contre 3 et ainsi de suite. La Ligue JMS en dit quoi, eux autres, de ce projet-là? Ben, la Ligue JMS, en début de tout, nous autres, on était un petit peu, on était contre, hein. On était contre, là, tu sais, Ben que ouais. nous autres, on aurait voulu que ça soit géré par région, comme un peu la crise est gérée en ce moment, vu qu'on n'a pas beaucoup ici, en tout cas, que ça aurait pu être regardé, mais fallait attendre que Hockey Québec remette le plan là, Ouais. de s'y fasse. Puis on a eu une réunion, un appel, conférence avec Paul Manard, président de Hockey Québec, avec Ouais. Jean-Guy Dallaire, président de la Fédération régionale, pour nous expliquer de fond en comble, puis si on avait des questions. Fait que ça a été, moi, je pense que ça a été très positif, OK, parce que la Ligue JMS, ça a fini un peu comme qu'on voulait que ça se passe. Ouais. OK? Donc, en septembre, ça va être évalué avec toujours avec Santé publique, là. C'est vraiment pas quelqu'un du hockey qui va prendre une décision, c'est avec la Santé publique en collaboration avec eux autres. Donc, on peut commencer, nous, supposons, en phase 5, puis Montréal, phase 2, là. OK, ben parce Donc, qu'on est plus avancé, évidemment. Phase 5, si je me rappelle bien, c'est juste avant c'est des matchs entre régions, c'est ça? c'est ça, Donc, exactement. nous autres, Puis la ça me phase dérange 6, pas, là. c'est ça. Et, oh non, nous autres, les ligues, ce que Hockey Québec nous demande de faire pour le moment, c'est de présenter un protocole de retour au hockey. OK. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a certaines choses qui peuvent rester là, que pour un certain nombre de temps, le lavage de mains ou des choses de main. Fait que nous autres, la Ligue JMS, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on s'est réunis hier soir. Puis on va former un genre de petit comité interne. Soit on va se greffer quelqu'un extérieur qui est médecin, infirmière, pour monter un protocole OK. envers nos équipes, puis s'occuper pour que ça soit respecté lors de la reprise des activités. Puis Fait que nous autres, on va présenter. dans vos bénévoles, vous n'avez-tu des médecins? Avez-tu des infirmières? Il y a des équipes qui ont des médecins comme parents. Ah, OK. Puis moi, j'en connais un peu parce que je viens du domaine médical. J'en connais un peu aussi que peut-être qu'ils seraient prêts à s'impliquer, puis peut-être ses parents qui sont médecins, et vu qu'ils connaissent déjà, comme en bon québécois, la game, c'est plus facile à monter un protocole parce qu'ils savent de quoi qu'ils parlent, d'une chambre d'hockey sur un banc, puis tout là, dans l'aréna. Parce que nous autres, c'est sûr et certain qu'on commencera pas à dicter quoi faire d'un aréna, ça ne nous appartient pas, les arénas, là. C'est les Ouais. municipalités qui vont émettre le directive, puis on va les appliquer seulement, là. Fait que, mais si on peut aider les municipalités à faire appliquer, c'est ce qu'on veut faire, la Ligue JMS. OK, là. OK, nous autres, qu'est-ce qu'on veut? Oui, c'est le plus vite possible qu'on va pouvoir faire du hockey. Si on peut le faire en soyant dans les normes, on va le faire, nous autres. On embarque à 300 000 à l'heure d'un projet. Puis, mais on suppose qu'on va être rendu au mois d'août puis septembre. C'est ça le problème. OK. Mais si ça continue de même, il n'y a pas de problème. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas faire des pressions, mais on le sait très bien. Puis Danny, là-dessus, on est pas mal d'accord. On sait maintenant qui s'attaque. Les jeunes, ça les attaque pas, là. Puis normalement, Exactement. ça devrait bien se C'est passer ça. normalement. Exactement. Puis, c'est Hockey Québec qui en tout cas, ils ont pris un médecin pour travailler avec eux autres aussi. Puis, selon lui, les équipements d'hockey, c'est comme un peu porteur de toutes sortes de bactéries puis de virus. Donc, c'est des choses de même qu'on va regarder puis qu'on va essayer de travailler. Puis qu'on va, avec nos équipes aussi, parce qu'on est dirigeant des équipes, on a des gars d'hockey aussi là-dedans. Fait que je pense qu'on devrait finaliser avec quelque chose de bien là, en début septembre. Moi, j'étais pas trop positif quand ça a sorti le plan. J'étais comme déçu un peu. Mais depuis la rencontre que j'ai eue, très positif. Très positif pour qu'il y ait du hockey de bonheur. Comme nous autres, on a Chibougamau, puis Baie-Comeau-Sept-Îles dans notre ligue. Fait que quand on va tomber en phase 6, ils vont pouvoir jouer avec nous autres. Ben, ils font partie, Fait que, Chibougamau fait partie de la région de Saint-Lac-Saint-Jean, si je ne m'abuse. exactement, ils font partie de la structure là, de Hockey Saint-Lac-Saint-Jean, eux autres, mais pas la Côte-Nord. La Côte-Nord font partie de la structure intégrée, par exemple. OK. Donc, pour le Midgetoire. Mais ça a tellement le temps d'évoluer d'ici ce temps-là. Ouais, exactement. Mais nous autres, on va travailler, on va tout de suite se monter au moins le protocole de retour. Fait qu'on ne sera pas pris à dernière minute. Puis la manière que les hockey mineurs, en tout cas, qui veulent peut-être faire les équipes de 3 contre 3 ou le 6 contre 6, des choses de même. Je trouve que c'est positif aussi pour commencer une saison rapidement quand ça va être le temps, puis quand ils vont avoir le hockey là, de le faire là, pour commencer. Parce que Paul Manard, le président d'Hockey Québec, veut les provinciaux dans notre région l'année prochaine. Ben ça, on en a parlé. Hein. C'est avec Pascal, j'en ai parlé. La Coupe Chrysler pourrait revenir en 2021. Là. Oui, puis pour eux autres, il faut qu'il y ait lieu. Ils veulent l'avoir là, pour eux autres. Là. Même les tournois, ils ont averti les hockey mineurs de céduler le tournoi, mais de prendre les inscriptions, de pas prendre les montants d'argent parce que commencer à rembourser, c'est plate. Mais ils vont pouvoir au moins prendre les inscriptions des équipes. Puis si jamais, quand ça commence le hockey, puis il va y avoir des tournois qui vont pouvoir avoir lieu, là, des choses de même, ou des festivals, comme nous autres, notre showcase, ça, c'est quelque chose qu'on y tient. On va peut-être avoir le temps de le faire dans une courte saison, là, aussi, là. Ouais. Non, moi, je pense que ça peut être positif. Peut-être en début octobre, milieu septembre, on ne sait pas vraiment. Donc, là, cet été, vous allez préparer ça, c'est ça que vous allez faire? Oui, exactement. Oui, on va préparer, on va travailler avec la Fédération régionale, parce que nous autres, on travaille beaucoup avec la Fédération régionale, un peu moins avec les hockey mineurs. Okay. Fait que on va travailler beaucoup pour que on peut se revirer vite là, quand on va avoir le hockey de commencer. Là. OK. Est-ce que vous allez faire, en terminant, un genre de... Vous faisiez pas, vous, des soirées méritasses à part les années passées? Hein? Oui, ben on faisait des... des organisations de l'année, ça a été fait. Je pense que Pierre-Luc, j'avais écouté, tu les avais toutes données lors d'une émission. Puis ça, on y tient. On aimerait ça revenir avec des galas ou faire un genre d'activité parce qu'on trouve ça important. Moi je trouve ça important. Les joueurs travaillent toute l'année fort pour arriver avec une fiche personnelle ou les équipes gagner des choses. Puis on fait juste remettre puis c'est fini. Là, je trouve ça un peu de valeur moi, de ce côté-là, mais c'est des choix des équipes. Hein, nous autres, on se plie à ça. OK. Ben ça fait le tour pour cette semaine, Danny? Il n'y a pas de problème, Danny. Puis quand tu as besoin, gêne-toi pas, on est disponible. Il y a moi et puis Pierre-Luc aussi. Oui, ben on va recommencer avec Pierre-Luc éventuellement. Donc, mais là, évidemment, il fallait savoir un peu ce qui s'en allait. Il y avait une réunion hier. Je voulais avoir tes réactions du côté de la Ligue GMS face au plan de déconfinement. Ben, on s'en parle bientôt, Danny. Pas de problème, Danny. Une bonne journée. Le président de la Ligue GMS, Danny Larocque.